appréhende son retour comme chaque soir. Elle se demande en quel état il est. Plus les années passaient, plus il rentre tard. Et la plupart du temps alcoolisé, la poule au ventre, il ouvre la porte. Elle ne sait plus comment se comporter, car quoi qu'elle fasse, il s'emporte. Pour elle, ça devient banal d'avoir mal. Elle prend des coups et elle souffre en silence, car le problème, c'est qu'elle aime. Elle sait qu'il va changer, mais ni évident. Le lendemain matin, comme si de rien n'était, il l'embrasse et il ose lui dire qu'il l'aime. Ensuite, il prend ses clés et part travailler. Mais elle sait bien que le soir ce sera la même. Elle encaisse et reste forte. Quel que soit le nombre de coups, car quoi qu'elle fasse, ils en.